deux fois les jours sombres et courts de l'automne, s'était enfui comme des volées de corbeaux, et deux fois l'hiver, de son écharpe de neige, avait enveloppé nos campagnes endormies. Noël avait chanté l'hosanna auprès de l'enfant Dieu, et le monde avait de nouveau tressailli de l'allégresse, au souvenir du plus consolant des mystères. Le carnaval avait encore secoué ses grelots effrayés au milieu de la foule distraite, puis le carême était venu mettre un peu de cendre sur la tête des chrétiens en leur murmurant d'une voix grave « Homme, souviens-toi que tu n'es que poussière, mais que tu retourneras en poussière. » On était au dimanche de Pâques fleurie, et les jours de grande tristesse qui allaient venir seraient suivis d'un solennel et joyeux Alléluia. Un Alléluia joyeux surtout pour les jeunes gens qui devaient se jurer un éternel amour au pied des autels. Et parmi ces heureux que proclamait la rumeur se trouvaient Mathias Padrol et Joséphine Duvallon. Le père Duvallon avait besoin d'un homme pour l'aider à ses travaux. Le rude labeur de toute une vie au champ commençait à peser sur ses épaules, et les ouvriers se faisaient rares. Les mines d'or de la Californie et les manufactures de la République voisine attiraient toujours la jeunesse. Elle entendait dans un rêve obsesseur le bruit des machines puissantes. Elle voyait les étincelles des paillettes d'or. Il fallait partir. Mathias demeurerait avec son beau-père. Il serait l'enfant de la maison, puisque Jean-Paul ne revenait point. Les bans furent publiés du haut de la chaire. Première et dernière publication. La chose fut remarquée parce qu'à cette époque, on ne se dispensait pas aisément des trois publications exigées par la discipline de l'Église. On savait que Mathias avait de l'argent et qu'il aimait à trancher du grand. Les invités à la noce étaient nombreux. Le père Duvallon se serait bien donné garde d'oublier un parent ou un ami. Il n'aurait voulu froisser personne d'abord. Puis il aimait bien s'amuser un brin. Mathias et les siens, un peu vaniteux, auraient préféré trier les convives. Ils durent cependant ouvrir grande la porte pour ne pas déplaire au père Duvallon. Et puis ça n'arriverait toujours qu'une fois. Le matin était un peu froid, mais les chemins étincelaient comme des ceintures diamantées sous les reflets d'un beau soleil d'avril. Le soleil, un jour de mariage, semble un gage de bonheur. L'union sera sans nuage. Une longue file de voitures se dirigea vers l'église. On entendait de loin la gaie musique des sonnettes argentines et des grelots sonores. De loin, on voyait glisser sur l'éclatant tapis de neige les profils sombres des chevaux et des carrioles. Les cloches voulurent être de la fête. Et quand la noce franchit le seuil de l'église, elles jetèrent dans le ciel limpide les éclats joyeux de leurs grosses voix d'airain. La cérémonie tardait un peu. Le servant n'arrivait pas. Les cierges étaient allumés dans leurs chandeliers d'argent ciselé, deux sur l'autel et six sur le balustre, auprès des vases de fleurs artificielles devant les mariés. Leurs petites flammes douces étoilaient de points d'or le sanctuaire vide. L'officiant s'était habillé tout prêt pour la messe. Il avait mis un vêtement riche, comme les jours de grande fête, une chasuble de soie blanche, toute moirée, avec une large croix et des guirlandes de roses brodées en or. Il attendait debout devant la haute armoire de la sacristie vis-à-vis un crucifix d'ivoire. Il s'impatientait. On a beau avoir de la douceur, on ne saurait empêcher la bile de s'échauffer un peu quand on attend par la faute d'un autre. Enfin la porte s'ouvrit, et deux jeunes garçons se précipitèrent vers la garde-robe où pendaient les surplis. Le prêtre murmura « Deux maintenant, aurait mieux valu un seul qui serait arrivé plus tôt. » Les petits servants se hâtaient de se vêtir. L'un d'eux, le plus jeune, dit à l'autre en attachant autour de sa taille les cordons de sa jupe noire. « T'es-tu mis au cœur déjà ? As-tu servi des mariages ?» L'autre ne répondit point. Il cherchait un surplis parmi tous ses vêtements blancs et noirs qui semblaient des spectres accrochés à la file. « Ne prends pas celui-là, c'est au petit Morand. Il vient de Jean-Paul Duvallon. C'est un souvenir. Tu le mets ? Monsieur le curé pourrait bien te le faire ôter. » L'autre ne répondit encore rien. Il s'habillait, et le surplis, un peu raidi par l'emploi, et la jupe noire, comme une plume de corbeau, lui allait à merveille. « Veux-tu porter le bénitier ? » Reprit le premier. « Moi, je porterai bien le livre. Comme tu voudras, ça m'est égal. » Son compagnon, toujours silencieux, ne le regardait seulement pas. « On n'est pas dans l'église ici, tu peux lâcher ta langue. » Le curé gronda « Allons, avancez !» Ils accoururent. L'un prit le livre et l'autre prit le bénitier. Le prêtre s'inclina devant le crucifix d'ivoire et se dirigea vers le sanctuaire, sans plus se soucier des petits servants qui marchaient devant lui. Presque tous les bancs de la nef étaient occupés. On aurait dit un jour férié. Il y avait beaucoup de curieux, des femmes surtout. La lourde porte du chœur, toute sculptée, tourna lentement sur ses gonds de cuivre poli. La cérémonie commençait. Il se fit dans les bancs un mouvement houleux comme sur la mer. Les promis s'agenouillèrent sur la plus haute marche du balustre. La jeune fille, devant le mystère nouveau, sentait son cœur se serrer comme dans une angoisse. Elle était heureuse pourtant. Le jeune homme, un peu raide, la tête haute, tâchait de paraître beau. Il s'occupait de lui-même. Après une courte lecture sur la sainteté du sacrement de mariage, le prêtre s'adressant au marié demanda « Mathias Padrol, prenez-vous Joséphine Duvallon, qui est ici présente, pour votre future et légitime épouse ?»« Oui, monsieur, » répondit d'une voix forte le jeune homme, qui voulait se montrer plus poli que le rituel. Alors le prêtre reprit « Joséphine Duvallon, prenez-vous Mathias Padrol, qui est ici présent, pour votre future et légitime époux ?»« Non, » répondit une voix faible. Il y eut un mouvement de surprise dans la foule. Plusieurs se levèrent debout sur les bancs pour voir ce qui allait suivre. Le prêtre, stupéfait, regardait la future et semblait attendre une explication. Mathias, la figure toute rouge à cause de la honte, ou peut-être de la colère, demanda tout haut « Mais pourquoi ?» Le curé, retrouvant le calme nécessaire, dit à l'épouser « Il ne fallait pas venir ici, mon enfant. C'est la profanation d'un grand sacrement, c'est le mépris. Or Dieu se sent offensé. Il ne faut pas agir ainsi dans le temple du Seigneur, au pied de l'autel, en présence de Jésus-Christ. Mais, monsieur le curé, je n'ai rien dit. » répartit la promise toute tremblante et les larmes dans les yeux. « Comment, ce n'est pas vous qui avez répondu non ?»« Je n'ai pas eu le temps de répondre, monsieur le curé. » L'officiant s'indigna. « Il y a donc ici quelqu'un qui oublie volontairement le respect dû à Dieu et à la sainte religion ? On veut changer en comédie un des actes les plus solennels de la société chrétienne ? Que l'on prenne garde, la loi civile viendra, s'il en est nécessaire au secours du culte sacré. » Il regarda les servants tour à tour, comme s'il les eût soupçonnés de cette indécente plaisanterie. Ils se tenaient à ses côtés, l'un à droite, l'autre à gauche, calmes, immobiles, les yeux fixés sur la mariée. Tous les regards se portèrent alors vers eux. Ils n'avaient pas l'air de grands coupables. Le plus jeune se mit à sourire, trouvant cela drôle, sans doute. L'autre était très pâle et une tristesse étrange se peignait sur sa figure d'adolescent. La mariée les regarda aussi et elle tressaillit. On entendit chuchoter « C'est le petit Antoine Baudet, celui-ci. On le connaît. Il sert la messe tous les dimanches. Mais l'autre, qui peut-il être ?» « On dirait que c'est Jean-Paul. Jean-Paul, enfant de cœur. Vous vous en souvenez ?» Mathias lui-même, comme pris de vertige, se mit à parler à sa future. « Quel est ce petit servant ? Comme il ressemble à ton frère. Tu dois savoir son nom. Je ne le remets pas, moi. » La fiancée eut envie de pleurer. Cela lui aurait fait du bien. Elle s'efforça de sourire. Le prêtre recommença. « Joséphine Duvallon, prenez-vous Mathias Padrol qui est ici présent pour votre futur et légitime époux. » Elle n'eut pas davantage le temps de répondre. Une voix lugubre qui sortait comme une tombe répéta « Non ». Cette fois, il passa un frisson de terreur sur la foule attentive, et il se fit un silence qui avait quelque chose d'effrayant. Le curé ne dit rien. Il croyait toujours à un mauvais plaisant. Un ventriloque, peut-être, qui se cachait dans l'assemblée pieuse et bravait pour s'amuser les foudres du Seigneur. Il se pencha vers la jeune fille afin de recevoir sa réponse. Elle allait dire oui quand ses regards rencontrèrent de nouveau les regards du servant que personne ne connaissait. Elle poussa un grand cri et s'affaissa. Mathias voulut la secourir. Un vent brûlant passa, qui éteignit les cierges, et tout le monde entendit le bruit d'un soufflet sur une joue. Le marié releva la tête. C'est lui qui venait d'être souffleté. Il voulait voir l'insolent qui l'avait frappé. Il demeura terrifié. Puis, d'une voix pleine d'épouvante, il cria deux fois « Jean-Paul, Jean-Paul !» Et il sortit de l'église, titubant comme un homme ivre, les yeux dilatés par l'effroi, pâle avec une tache rouge sur la joue, la marque du soufflet. Où allait-il ? Un des petits servants avait grandi tout d'un coup, et il paraissait un homme maintenant. Et cet homme, c'était Jean-Paul Duvallon. Il portait au cou une large blessure, et son front était percé d'une balle. Il avait la teinte livide du cadavre, et ses yeux versaient des larmes. « Assassiné ! Il a été assassiné !» s'écrièrent plusieurs. Mais l'assassin, où était-il ? Est-ce l'Indien de la prairie ? Est-ce le jeune homme superbe qui s'en va avec le soufflet du mort sur la joue ? L'église retentit de lamentations. Les cloches sonnèrent, un glas funèbre. Le prêtre, dépouillant ses vêtements pompeux, mit sur ses épaules la chasuble noire et dit la messe pour le repos de l'âme de Jean-Paul Duvallon. Il n'y avait plus qu'un petit servant. Ainsi finit la noce, ainsi finit mon histoire.